Amis humains, bonjour. Je vous propose une série d'articles, toujours dans notre série sur la robotique. Un thème croustillant, sexe et robots, les liaisons dangereuses, les progrès des robots humanoïdes combinés à ceux de l'intelligence artificielle laissent entrevoir un futur où les androïdes prendront la place des maîtresses et des amants, voire des épouses et des maris. Intemporel, la mythologie grecque n'a jamais cessé d'être le miroir des rêves humains. Dans ses métamorphoses, Ovide raconte l'histoire de Pygmalion, sculpteur chypriote qui se mit en tête de façonner la femme parfaite. Sa statue d'ivoire, nommée Galatée, fut si belle qu'il en tomba amoureux. Il pria la déesse Aphrodite, un jour, alors qu'il embrassait son œuvre, celle-ci enfin s'anima, baisant ses lèvres à son tour. Et si l'homme, deux millénaires plus tard, accomplissait enfin le fantasme fétichiste de Pygmalion, avec un chiffre d'affaires mondial estimé à plus de 50 milliards d'euros par an, l'industrie du sexe, plus florissante que jamais, ne connaît pas la crise, et elle ne cesse d'innover. L'époque des premières poupées de chiffon qui accompagnaient les sous-mariniers pendant leur mission, dans les années 1930, semble aujourd'hui bien lointaine. Au Japon, la société Orient Industries commercialise des love dolls, poupées d'amour au réalisme saisissant. Ces beautés inanimées coûtent entre 890 et 3800 euros. Les pygmalions asiatiques peuvent ainsi choisir la couleur des cheveux, l'aspect des ongles, la taille de la poitrine ou même la pilosité de leur galatée de silicone. Plus choquant, ces poupées existent en modèle enfant, tout à fait légal, avec les mêmes possibilités de personnalisation du modèle, et quelques options supplémentaires, la tenue d'écolière ou le maillot de bain, par exemple. Il ne s'agit là que de poupées gonflables améliorées, incapables d'une quelconque interaction. Fin et suite de sexe et robot, les liaisons dangereuses. À bientôt, grosse bise numérique.